Je pensais y arriver. Sans relâche, je t'en cherchais. Je semblais pourtant m'en approcher. Je sentais en moi ce feu brûler. Chaque fois que j'ai voulu essayer, toujours j'ai dû renoncer. Comprends-tu ce que je veux trouver? Voilà pourquoi j'ai remué. Il y avait tant d'obstacles, mais tout s'éclaira. Ce qui était caché, maintenant je le vois. Tout ce que j'ai laissé derrière moi, ce ne sont que mes doutes et non mes choix. Je les ai dépassés, j'ai enfin trouvé ma voie. Comprends-tu ce que je veux trouver? Voilà pourquoi j'ai remué. Ciel et terre, de haut en bas, dans le noir, pour trouver ma voie. Je me suis peut-être égarée en chemin, ne crois-tu pas? Mais quelle joie, car c'est en moi que tout s'exaucera. Me voilà, me voilà, sûre de moi. Oh. Et quoi qu'il en soit, j'ai fait les bons choix. J'ai trouvé au fond de moi, je la chercher en